Galaxy Pop, la culture jusqu'au bout des ondes. Salut mes petits monstres! Vous savez quoi? Je vais vous faire une confidence. Attention! Gardez bien ça pour vous. Je sais qu'il y a des oreilles indiscrètes. Bon, des fois je m'ennuie dans mon caveau. J'aimerais bien sortir, me balader dans les bois, sentir l'air dans mes cheveux, laisser traîner ma main dans les herbes hautes et les sentir me caresser la raie. Je vous fais marcher. Pour rien au monde, je ne troquerai l'air vicié de mon nid douillet pour le grand air. Je ne suis pas comme notre invité de ce soir, un grand baladeur, un arpenteur de forêt, qui va vous parler d'une promenade qu'il n'est pas prêt d'oublier. Salut, c'est Dany. Vous le savez, j'aime me promener dans les bois. Souvent d'ailleurs, j'en profite pour enregistrer une gazette et vous faire partager mes sentiments et surtout les sons de notre chère nature. J'aime particulièrement le moment où le soleil se couche. La lumière est magnifique et les sons changent du tout au tout. Les animaux diurnes rentrent se coucher et les nocturnes commencent à s'éveiller. La forêt, auparavant amicale, apparaît alors mystérieuse et pleine de surprises. Et j'ai aussi pris l'habitude de faire ça pendant mes vacances. Je repère une forêt ou un bois un peu conséquent et hop, en avant la balade. C'est toujours un super moment. Un bonheur simple et immédiat. Enfin, il y a bien une fois où... Ça n'a pas été aussi agréable que prévu, quoi. En fait, un jour de vacances plutôt agréable au départ, je suis donc parti me promener en forêt. Il se trouve que la forêt en question était un peu plus grande que ce que je pensais. J'ai peut-être été un peu présomptueux. Et après avoir marché toute la journée, une longue et éprouvante journée, j'ai dû me rendre à l'évidence. J'étais perdu au milieu d'une forêt immense. Il commençait à faire très sombre et je perdais petit à petit mes repères. Déjà peu nombreux et dans une forêt inconnue et en plus, je dois l'avouer, je n'avais plus de réseau. Donc même Maps ne pouvait pas m'être d'aucun secours. Alors j'ai donc continué à marcher droit vers le nord. Et oui, j'avais vu le soleil se coucher, je sais quand même un petit peu où est le nord. Et c'était le seul repère qui me restait. Tout ça à travers un feuillage de plus en plus oppressant. On s'en fait des idées quand le soir tombe. C'est ce que j'aime d'habitude. Mais la forêt me paraissait elle-même de plus en plus menaçante. Les arbres semblaient se rapprocher de moi, comme pour m'étreindre ou... m'ensevelir. Après quelques heures encore, des heures longues et exténuantes, j'ai découvert par hasard une cabane dans une petite clairière. Complètement à bout, fatigué et sans espoir de sortir de cette forêt rapidement, j'ai décidé de voir si je pourrais rester dans cette petite cabane. Je m'en suis donc approché, me demandant comment je pourrais demander à l'éventuel locataire des lieux s'il y avait une petite place pour moi cette nuit. Ou s'il pouvait appeler quelqu'un pour moi. À ma grande surprise, la porte n'était pas verrouillée et personne n'était à l'intérieur. Je suis donc rentré en me disant que si quelqu'un arrivait, je m'expliquerais à ce moment-là. La cabane ne comprenait qu'une seule pièce et ne contenait qu'un lit simple, mais étrangement propre. Les murs en bois rustique étaient un peu plus originaux, dirons-nous. Ils étaient nus, dépourvus de fenêtres, mais ornés de tableaux représentant des humains hideux, déformés de manière grotesque, mais peints de manière ultra-réaliste. Imaginez les tableaux d'Arcimboldo, mais avec des fruits pourris et disproportionnés. Les pauvres personnes représentées devaient avoir de sacrées maladies de peau, avec des sourires grimaçants et des dents menaçantes. Ils me mettaient vraiment mal à l'aise. Pourtant, j'en ai vu d'autres, mais là, c'était devant moi. C'était pas sur l'écran d'une télévision ou sur la toile d'un écran de cinéma. J'avais l'impression que leur regard avide me suivait constamment, tout le temps que je fouillais cette petite pièce. Mais je mettais ça sur le dos de la fatigue. C'est vrai que j'étais vraiment crevé. Toutefois, je me suis allongé sur le lit. Bizarrement situé au milieu de la pièce, j'ai pas osé le déplacer. Et la fatigue de la journée a eu tout simplement raison de l'angoisse sourde créée par les lieux, et je me suis endormi comme une masse. Toutefois, durant la nuit, j'ai cauchemardé. Je voyais des visages abominables danser, rire, grogner, et même baver dans le cadre de leur tableau dégoûtant. Par moments, il me semblait même se déformer, se rapprocher de moi. Après cette nuit agitée, j'ai été réveillé par la lumière du jour. La cabane n'avait aucun portrait au mur. Uniquement des fenêtres. Ah, ce bon Danny a eu de la chance de pouvoir s'en sortir à si bon compte. Je connais plein d'histoires de cabanes perdues au fond des bois qui se terminent plutôt comme un buffet à volonté pour anthropophages. Blague à part, je suis contente que Danny ait pu venir raconter son histoire aujourd'hui. Ça m'a fait plaisir de le recevoir, c'est un bon gars. Ceci dit, après sa mésaventure, son prochain podcast sera plutôt « L'été six pieds sous terre ». Allez, à la prochaine les petits monstres, et n'oubliez pas, Galaxy Pop ! Vous semble gris et fade, votre vie vous paraît plate comme une pizza premier prix et longue comme un jour sans bière. Soyez rassurés, il existe un remède. Embarquez dans le vaisseau Galaxy Pop et redonnez à votre vie des couleurs chatoyantes. Écoutez, Galaxy Pop soigne les maux les plus divers et apporte bonheur et félicité. Galaxy Pop. Vous aimez écouter de la bonne musique de films ou de jeux vidéo ? Vous ne savez pas comment meubler vos soirées entre amis ou vous avez envie de vous mesurer à une communauté de joueurs? Écoutez Blindcast tous les deux mois et jouez avec nous en vous faisant plaisir aux oreilles. Blindcast, c'est 10 titres à deviner, du plus facile au plus retors, et le bonheur d'écouter 10 pistes entièrement et sans aucune coupure. N'attendez plus et venez nous découvrir sur le vaisseau Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.